Oh mon amour qui m'a tout pardonné souvent, je lui donne. Oh mon ami sur qui je peux compter souvent, je lui donne. Fleur d'amour et fleur d'amitié aussi, prends toujours avec ce collier. Fleur de joie et fleur de l'espoir aussi, c'est pour ça que je vous les ai cueillis. Sans un amour, un homme n'est plus rien, oh non. Sans personne, sans un ami à qui tendre la main, oh non. Et je donne. Dans vos yeux souvent, je vous donne. Vous mes amis qui m'écoutez en ce moment, je vous donne. Fleur d'amour et fleur d'amitié aussi, prends toujours avec ce collier. Fleur de joie et fleur de l'espoir aussi, c'est pour ça que je vous les ai cueillis. Fleur d'amour et fleur d'amitié aussi, mais autour du cou ce collier. Fleur de paix nous verrons pousser ainsi des jardins pour embellir notre vie. Fleur d'amour, fleur d'amitié, à fleur d'amour. Fleur d'amitié, à fleur d'amour.